Bébé, t'es une bombe, bébé, tu m'endingues. Bébé, t'es une bombe, bébé, tu m'endingues. Explose ici, car tu m'as fait si souvent l'effet. L'effet que tout n'a pas été fait. Fais monter la chaleur. Fais monter la chaleur. Mon corps adore être au tien. Aussi mon corps contre le tien. Quand on fait des va, on fait des viens. Refais-moi l'ascenseur. Fais monter la chaleur. Oui, mon corps adore être au tien. Oui, mon corps adore être au tien. J'aime quand tu reviens dans mes rêves. Comme t'es belle. Fais monter la chaleur. Refais-moi l'ascenseur. Et mon corps adore être au tien. Oui, mon corps adore être au tien. Oui, mon corps adore être un chien. Oui, mon corps adore être au tien. Alors bébé, aime-moi quand tu es dans mes rêves. Comme t'es belle. Toute la vie, oh, bébé, la vie est belle. Avec toi, c'est plus d'un million d'étincelles. Dans la joie, les flammes et les peines, on saura s'aimer si tu crois.